Batteurs, ils ont un style et puis ils n'en sortent pas, quoi. Pour moi, le vrai batteur, c'est celui qui sait tout jouer, quoi. Qui sait s'adapter à tous les styles. Comme les bassistes, d'ailleurs. Si tu restes bloqué, c'est que t'as rien compris à la musique, quoi. Dernier groupe que j'ai joué, c'était de la musique arabe, tu vois. Avec des... Ah, c'était des gammes arabes, alors fallait apprendre. Mais ça m'a fait du bien, c'était intéressant. Ils jouaient tout du Swad Massi. Je sais pas si vous connaissez Swad Massi. Bon, j'en ferai pas toute la... J'ai joué 6 mois avec eux. Je crois que maintenant, ce que j'ai envie, c'est de chanter. Ah oui, Claude Salmeri. Il avait joué avec plein d'artistes. C'était pas lui qui jouait avec Michel Berger, France Gall, tout ça. Et moi, j'aimais bien Yannick Top à la basse. Et moi en basse, Sildo, moi j'ai aucune culture au niveau bassiste, mais par contre j'aime beaucoup le style de Jamiroquai, tu vois, tout ce qui est comédie comme ça. J'adore jouer, essayer de jouer sur les riffs de basse de Jamiroquai. Comme il y en a un qui est bon sur internet, je sais pas si vous le connaissez, là, il est sur Ninja. Mathias Demi. Je sais pas si tu l'as connu, Phil, sur Ninja. Cabas, je crois qu'il s'appelle Cabas. Il fait des vidéos, des covers sur internet. Il a un super groupe, ce gars. Mathias Demi, il fait quoi, t'as dit? À la gratte? Jean-Marc, j'ai fait.